I used to live in Paris for a while, a very beautiful city, and I sometimes would go out walking in the streets there, and you'd often hear this instrument playing. I think, I don't know what they call it really, but it's one of these barrel organ things you wind up. It's the sort of sound that, it's a bit like a Las Vegas casino, it kind of lives with you. Anyway, I'd heard this barrel organ playing, and I walked on back home towards my apartment, and I went past this cafe, and I heard the voice of Edith Piaf, the famous French lady singer. And when I got back to the apartment, I thought, I really would like to write a sort of French song with some French feeling. And I don't really speak French, but I knew this phrase, c'est la vie, that's life. And so I thought, that would make a good idea for a song. And so I wrote this song, c'est la vie, and we recorded it and put it onto Works Volume 1. However, a couple of years later, it was covered by a French singer called Johnny Hallyday. And he's the sort of French Elvis Presley. Anyway, he had a number one hit with it in France, which, as an Englishman, of course, gave me a great deal of pleasure. It was one of those, I know it's very childish, but there you are. Anyway, so I'd like to do it for you tonight. Here's my version of C'est la vie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Like a song out of tune and out of time, all I needed was a rhyme for you. Silly. Do you give? Thank you very much indeed. Thank you. Bonsoir, bonsoir. C'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre très très fort avec Greg Lake, Songs of a Lifetime. On reviendra dessus. C'est un album superbe. Pour une fois que je craque sur un album live, c'est assez rare pour être souligné. Qu'est-ce qu'il a de superbe? Eh bien, notre ami Greg Lake est quand même la voix du premier King Crimson, qui est quand même la voix d'Emerson Lake and Palmer, qui a même aussi chanté dans Asia, pour ne citer que ses interprétations, que ses prestations. Eh bien, Greg Lake, en 2012, a décidé de faire quelques petits concerts intimes avec un petit public et de reprendre tous les morceaux qui ont marqué, entre guillemets, sa carrière et qui ont marqué pour lui, suivant ses propres mots, une petite page d'histoire et de partager, de passion partagée avec son public. D'où le titre Songs of a Lifetime. Et on trouve des petits bijoux, notamment ce C'est la vie qui a été repris par, vous avez pu comprendre tout à l'heure, Johnny Hallyday, et aussi vous entendrez tout à l'heure, si vous êtes sage, du King Crimson. Voilà, c'est incontestablement le disque du mois. Ensuite, eh bien, on va passer tout de suite à Gordon Giltrap et Olivier Wakeman. Olivier Wakeman, on ne le présente plus, le fils de Wakeman, Rick, de son prénom, qui a officié notamment dans Yes, les deux, papa et le fils. Et Gordon Giltrap, c'est un petit peu un Anthony Phillips, un peu moins connu chez nous, quelqu'un qui officie notamment à la guitare acoustique. Ils se sont mis ensemble pour nous sortir un album de toute beauté, Ravens and Lullabies. Les Corbeaux et les Comptines, voilà, c'est britannique, ça date de 2013 et c'est sur Prog à part, bien sûr. same. Is this the last time that I will get to see a sea of faces staring back at me? Thank you. Bonsoir Jean-Louis, tu es venu avec nous ce soir. Bonsoir Thierry, oui, je suis venu. Je vais te faire parler un peu plus là pour voir faire les réglages. Alors tu es venu avec un disque notamment qui t'a fait craquer, c'est même deux disques qu'on va écouter tout à l'heure, mais tu peux déjà nous en toucher deux mots. Oui, ben je suis venu avec une découverte que tu m'as fait découvrir toi-même d'ailleurs. Hein. Je te signale que c'est toi qui me les as passées en me disant tiens, écoute ça. Tu verras bien ce que c'est. Bon, j'ai écouté et j'en suis tout pas revenu. Il s'agit de Stranger on a Train. C'est une réédition de 90 et 93 par Metal Mind. Donc, remasterisation de deux, je sais pas, c'est peut-être des concept albums. Oui, deux concept albums. Je te permets de te rectifier. C'est Ésotérique, hein, nos amis d'Ésotérique qui ont réédité ça, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai vu Metal Mind. Metal Mind. Ah, bah alors écoute, voilà. Autant pour moi. Donc, ça s'agit de The Key. Ouais. Part 1, The Prophecy. Yes. Part 2, The Labyrinth. Et réédité avec une remasterisation, hein, c'est ça ? Tout à fait. Alors, il y a trois personnages qui jouent à l'intérieur de ce groupe. Clive Nolan, qu'on ne présente plus. Tracy Hitchings. Oui. La chanteuse de Landmark. Et Carl Groom, le guitariste de Threshold. Et je vois qu'également, je joue sur du velours, j'ai le livret sous les yeux, il y a Alan Reed aussi. Sur le deuxième album, effectivement. Ouais. Alan Reed et Carl Groom. Carl Groom, qui, si pas de bêtises, joue dans Landmark, hein. Threshold. Ok. Donc il y a quand même du beau monde. Et ça date de quand ? 90 et 93. Voilà. Et ça, on reconnaît dans le deuxième album des sonorités qu'on va retrouver plus tard en 99 sur Jabberwocky, je trouve, qui est aussi avec Clive Nolan, mais avec aussi Oliver Rick Wakeman, je crois, Tracy Hitchings aussi, et puis beaucoup d'autres personnes. On peut retrouver certaines sonorités. Mais alors, ces deux albums sont à J'en suis pas revenu, tellement je suis scotché dessus depuis que je les écoute. Alors la belle Tracy... Je trouve qu'ils sont de mieux en mieux. Donc on va vous passer un gros morceau tout à l'heure qui va... Oh mais je pense que là, vu qu'on l'a présenté, si t'en es d'accord, on va y aller directement. On va pas laisser nos amis attendre plus longtemps. Juste une petite anecdote, puisque Tracy Hitchings, je l'avais rencontré lors d'un concert de Landmark au Proc Sud. Et donc une belle blonde, et on avait jamé ensemble après dans le local studio enregistrement de Décla, du côté de Châteauneuf-le-Rouge, c'est du côté d'Aix-en-Provence, ça s'invente pas. Des superbes souvenirs. Voilà, c'est une fille qui a chanté également dans Quasar. Quel Quasar a sorti un live que je vous ai passé il y a très peu de temps et prépare un nouvel opus. Voilà pour le Who's Who, et on passe donc tout de suite Strangers on the Train. Donc c'est pas The Key cette fois-ci, c'est le volume 2, c'est ça ? C'est le premier morceau du volume 2, The Labyrinth, je sais plus comment s'appelle le morceau. Oh, qu'importe, c'est un nom imprononçable. Le Labyrinthe, tout de suite, Les étrangers dans le train. This can't be all right. Ah, il y a notre ami danois Larsen qui est encore avec nous ce soir. Alors Jean-Louis, J'étais à toi, je pose la question parce que apparemment tu les avais pas bien écoutés. Oui, effectivement, j'étais passé à l'époque quand c'était sorti. Je suis pas le seul d'ailleurs. J'étais passé un petit peu à côté. J'avais trouvé ça sympa, peut-être un peu trop néo-prog à mon goût, avec peut-être pas assez d'envolée, mais bon. Aujourd'hui, j'ai un peu fait le tri pour savoir quel morceau on allait passer sur les deux opus. Alors, le premier opus, les morceaux sont plus courts, mais ils s'enchaînent. Et déjà, on voit la maestria du trio. C'est déjà quelque chose de très abouti, même plus que bien abouti le premier. Mais alors, celui-là, le deuxième, c'est encore pire. Ça a une synthèse, c'est encore plus majestueux, plus travaillé, mieux joué, mieux chanté. Comme tu disais très justement, Clive Nolan s'épanouit complètement, fait des choses qu'il ne peut pas faire dans Pendragon, je crois qu'on peut le dire. Hein. Oui, quand on entend les claviers, surtout dans le premier où les claviers sont hyper, hyper présents, la guitare elle fait vraiment office d'accompagnement et quelques petits thèmes, mais vraiment pas beaucoup de... Surtout les voix, la voix de Tracy et les claviers de Clive. Mais quand on écoute au début, je savais pas qui jouait dans le groupe. Bon, je dis, oh, c'est ce clavier, il est fabuleux, quoi. Je regarde Clive Nolan. Je dis, bon sang, avec Clive Nolan, quand on entend un Pendragon, on l'entend pas, quoi. Oui, il fait de l'accompagnement, il est pas en avant, quoi. C'est fabuleux ce qu'il fait. Il joue aussi, enfin, c'est le même niveau que Rick Wakeman, hein, soyons clairs. Quand je l'avais dit une fois, il avait été très très flatté, hein, il avait rougi, je lui ai dit, t'es un peu le Rick Wakeman de la nouvelle génération. Il avait été vraiment très très touché. Donc, Étranger dans la nuit, non, Étranger dans le train, deux volumes, hein, Le Labyrinthe, c'est le volume 2, et le volume 1, The Key, la clé. Donc, chez nos amis polonais, donc The Metal Mind. Ce qui suit, c'est tout à fait british, et c'est tout également british. C'est plus récent, puisque ce qu'on vient d'écouter, c'est de 90 et 93. On passe à 2013, une nouveauté avec une jeune formation, même si il y a un certain John Young dedans, qui n'est pas un inconnu pour nous, les gros fans, puisqu'il a joué notamment avec John Wetton, si je dis pas de bêtises. Ce John Young a formé un groupe, enfin, autour de lui, créé une formation qui s'intitule Life Signs, les signes de la vie, et c'est leur premier album, cette fois-ci c'est bien chez Esotéric, et ça a fait l'effet d'une bombe en Angleterre. Vous allez voir, c'est ma foi très très bien tourné, du néo-prog symphonique, en même temps très abordable. J'avoue que j'ai beaucoup aimé. Tout de suite, Life Signs. Life Signs sur le 100.7 Sol, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, une pochette que j'aime beaucoup, moi, des signes de vie. Et sur ces signes de vie, on voit quoi? On voit une église, on voit une cabine téléphonique, on voit une ferme, une grange, et pas un signe, pas une personne, pas une seule présence. Un ciel gris, noir de tempête. Voilà quelque chose qui, effectivement, porte bien son nom, Life Signs. C'est britannique, c'est de 2013. Et c'est, ma foi, de très très bonnes cuvées avec quelques effets spéciaux, comme j'aime bien les bruitages. Pour être plus précis, pour ce morceau que vous avez pu entendre, Lighthouse, c'est-à-dire le phare. To the Lighthouse, comme disait Virginia Woolf. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Je ne connaissais pas, mais j'avoue que les quatre dernières minutes, là, sont du même tonneau que ce qu'on a écouté avant, hein, c'est-à-dire majestueux, enfin... très très bien très mélodique, très symphonique, très majestueux. Ça aurait pu être fait par Strangers on a Train, je pense. Par exemple. Donc c'était bien en bonne coordination avec dans ce genre de musique. Hein. Je crois que c'est un album qu'il va falloir écouter de plus près. Hein. Tout à fait. Je vous propose un petit voyage en Scandinavie. J'en parlais en off avec mon ami Jean-Louis. Hier, il y avait une émission sur le polar scandinave sur 13e rue, voilà. Entre parenthèses, pour ceux qui sont sur Lyon, je vous signale que vendredi, samedi, dimanche, lundi, eh bien, il y a les quais du polar, donc avec que du beau monde en matière de romans policiers, dédicaces, films. C'est vraiment un festival à ne pas rater. Je pense que j'aurai un petit coin de table pour vous faire une petite dédicace. Venez nombreux, oui, que Jean-Louis fait des grands coucou. Bernard Werber qui sera là. Oui, par exemple, qui est un grand amoureux de progressif, il m'en avait parlé. Bernard Werber qui est connu, surtout, enfin, qui a été connu par ses romans sur les fourmis. Sur les fourmis, tout à fait. Donc il sera présent, effectivement, c'est un fan de progressif, j'avais pu discuter avec lui. Donc ça peut être intéressant. D'autres noms qui me viennent comme ça, Donna Leon, qui est la dame derrière les enquêtes du commissaire Brunetti, ces enquêtes qui se passent, vous le savez certainement, à Venise. Donc voilà, voilà, il dit super, je sais que madame est fan. Donc voilà, entre autres, hein, et je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres, je crois qu'il y a un auteur de science-fiction aussi très très connu, dont le nom m'échappe, mais enfin il faut absolument venir, c'est gratuit et c'est de toute beauté, de très haut niveau. Je disais donc la Scandinavie avec la Suède, Brother Ape, qui revient en grande forme avec Force Majeure en français dans le texte. Vous les connaissez certainement, on en passe régulièrement de leurs albums. C'est leur sixième, je ne dis pas de bêtises, donc ils n'arrêtent pas, ces braves gens. Force Majeure, vous allez voir, c'est du rock mélodique plus que symphonique, mais c'est tellement bien fait que ça force le respect. Allez, je l'ai passé mon jeu de mots. Tout de suite, Brother Ape, le frère singe. What did I have? An emptiness inside. A cold just cross my mind. Did I dream of a sky or a treasure I couldn't find, or a stranger that I'm FM 100.7. Je pense que pour ce boulot, il faut de vrais mecs. Ça n'a rien à voir avec le T. C'est un monsieur qui s'intitule, qui utilise son initial T. Et donc, ça doit être son troisième album. J'avoue que j'ai fait la chronique, j'ai déjà zappé le nombre d'albums qu'il a sorti. Il avait sorti un deuxième album qui s'intitulait Naïve, qui était superbe. Le voici de retour avec Psychoanorexia, nouvel album, c'est allemand, ce monsieur est allemand, c'est un album sorti en 2012, l'année dernière, et vous allez voir, c'est fort bien troussé. Je vous propose un large extrait, Psychoanorexia by T. Now that you love me, I'm nothing but old, like a toll-free lifeline when TV runs short. Decaffeinated green, defying mortality, and low-cal romantic, dreaming of dreams. Adjacent eternity, exuding solution, self-acclaimed problem, too frail to occur. The joints of a small talk, croaking with yawns, in a flea-ridden mantra, to bury the core. Blocks my iPod driver. My unrehearsed aggression rips your Facebook daydreams. Ejecting cookies. Fight on firewalls. Breakfast open. Ego shooting. My laptop out. Download. know the colors left our life, and all we will be is bad half exiles, bright. An eye for an eye, the carnage of kids. We'll never be free again from the lifetimes we miss. Alors Jean-Louis, tes impressions? La première réflexion que j'ai faite, c'est qu'il a la même voix que Steve Hogarth. Il a la même voix que le chanteur de Marillion. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est très proche. Hein. Apparemment, c'est un monsieur qui joue tout. Oui, complètement multi-instrumentiste. Ça vaut le coup d'écouter un peu plus près. Ça m'a l'air bien déjanté par moment. Très fort. Hein. Donc, je connaissais pas. Je crois que je vais l'écouter. Écorché vif. Donc, c'est sorti chez Progressive Promotion Records. Ça s'invente pas. C'est un label allemand. Écorché vif comme la pochette. Ouais, pas très progressive comme dit la pochette, mais bon. On elle est sympa, mais c'est vrai. Pendant la chanson sur la pochette. Je te propose de partir pour le Canada anglophone avec Grey Level, donc le niveau gris. Hypostatic Union, je vais y arriver. C'est leur deuxième opus de ces gens-là et j'ai bien aimé. C'est un mélange de Pink Floyd, de psychédélique, de Moody Blues un petit peu. On retrouve aussi quelques pointes de Porcupine Tree, vous allez voir, avec un son et un chant très mellow, comme disent nos amis britanniques, donc très fluide, mélancolique. C'est très doux. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Grey Level, tout de suite, sur le 100.7, Prog à part. We'll be right back. vous avez tous reconnu le délicieux accent canadien de nos amis de Messaline. belle tranche de rire. On vous avait proposé du mélo, gris, mélancolique. On est parti carrément. On a bien rigolé sur Messaline. Messaline, qui est un groupe français, comme vous avez pu l'entendre. Nos amis voisins de Bourg-en-Bresse. Messaline, qui, pour cette chanson Saltan pour les disques jockeys, pour les présentateurs de radio aussi, chante avec Christian Descamps, que tout le monde connaît. Ange. De Ange. On a eu l'occasion de les voir il y a un mois. Messaline est en première partie de Ange, où effectivement Christian Descamps est venu jouer avec Messaline. J'avoue qu'à l'époque, je suis passé un peu à côté du concert. J'ai trouvé ça un peu... Bon, voilà. Je vous lirai Acide Dragon si vous voulez savoir ce que j'en pense. Mais quand j'ai écouté l'album, j'ai changé d'avis complètement, parce que l'album est une toute beauté. C'est du métal, c'est du rock métal, progressif métal, on va dire, avec des textes très très intelligents. Oui, c'est vrai. Très intelligents, c'est vraiment des beaux textes. C'est du niveau de Ange presque, hein, je dirais. Hein. C'est des textes très recherchés. C'est pas le meilleur morceau, Saltan, mais on vous l'a passé parce qu'il y avait évidemment le père Descamps qui joue chante dedans. Moi, le meilleur morceau, c'est la si belle ciguë, par quoi. Ça parle de Socrate. Et il y a un autre morceau qui parle des pirates. Il y a un autre morceau qui parle de Savonarole et Machiavel, etc., etc. Donc c'est sorti le mois dernier, je crois. Hein, c'est ça. Tu nous rappelles le titre. Éviscérer les vieux. Non, les dieux. Sale temps pour les accompagnateurs des DJ. Éviscérer les dieux. Maintenant, on va bien sûr vous proposer ce que on vous a proposé tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose de plus calme. Donc, vas-y, Thierry, Grey, Level, ouais. Canadien. Donc, cette fois-ci, plus d'erreurs de platine. Tu crois? Et ça, par exemple? Combattre encore, t'amuse. Et lutter toujours, faire battre son cœur à la lumière du jour. Combattre encore, c'est lutter toujours, faire battre son cœur à la lumière du jour. Combattre encore, c'est lutter toujours, faire battre son cœur à la lumière du jour. Combattre encore, c'est lutter toujours, faire battre son cœur à la lumière du jour.

On n'a pas pu résister au plaisir de vous passer deux autres morceaux de ce Greg Lake Live. Songs from a Lifetime, c'est ça si j'ai bonne mémoire. Oui, je suis pas encore trop sénile. Deux extraits du premier King Crimson, pure merveille de Greg Lake. Bon ben voilà, c'est terminé, c'était notre émission de mars, celle qui aurait dû être diffusée tout au début de mars et qui pour des raisons de calendrier a été repoussée jusqu'aujourd'hui. Je respire. La prochaine émission aura lieu la semaine prochaine, lundi prochain, incroyable mais vrai, et oui, puisque lundi prochain c'est la première semaine d'avril, vous suivez? Bon, sauf que c'est le 1er avril et c'est quand même du sérieux, on sera là avec un joli programme, il y a déjà des choses toutes prêtes, donc soyez derrière le poste, nous on sera devant le micro, sinon eh bien soyez devant le micro, non pas le micro pour causer mais l'ordi comme on dit maintenant, en podcast. Déjà pour entendre l'émission de ce soir, enregistrée par le fils de Jean-Louis, son prénom c'est Arnaud. Non mais dans le micro, ce sera mieux, il sera content. Arnaud. Voilà, et donc l'émission de lundi, ce sera toujours ton fils, qui s'appelle toujours Arnaud, qui enregistrera l'émission. Voilà, j'espère que vous êtes régalés. Nous, ça a été notre cas. Merci au petit clin d'œil d'Olivier qui nous a appelé. D'ailleurs, il a eu droit à un petit morceau spécial dédicace. Et oui, comme sur les grandes radios périphériques. Nous aussi, on s'est flatté notre Audimat. Et puis bon, voilà, essuyons la bonne vieille Maxime lyonnaise. Tenez Tati, à que la prochaine. Jean-Louis me fait du coude, il veut dire quelque chose. Good night, everybody. Oh yes, voilà un petit clin d'œil à Rachel qui doit nous écouter de l'autre côté de la Manche. Ciao, ciao, see you later, alligator, bye, bye, bye. Oui, à condition que la machine ne s'endorme pas, elle me met sleep. Alors, machine, s'il te plaît, l'indicatif. Voilà, c'était Prog à part, une émission proposée, réalisée par Thierry Sportouche avec l'aimable soutien logistique de Jean-Louis Delacruz.